Pianta, pianton, piantin. Pianta, pianta. C'est encore plus. Ah, c'est encore plus, ok. Oh, que bella pianta. Vous faites les deux phrases? Tante la pianta. Oh, che bella pianta. Pianta, pianton, piantin. Ensuite, là, du coup, le col, tu veux faire le col tchiribi? Pianta, pianton, piantin, col tchiribi, tam, piantan, bin. Pianta, pianton, piantin, col tchiribi, tam, piantan, bin. Encore? Pianta, pianton, piantin, col tchiribi, tam, piantan, bin. Ensuite, là. Bravo! Bravo! 1, 2, ouais, là tu enregistres. Ok. Bande passante FM, 96.00. On vous rappelle que vous êtes vraiment les bienvenus à venir nous voir et nous raconter des choses. Et ça peut être notamment comment vous avez vécu les derniers jours. Voilà, de le passer à Montagna, ce que ça vous a fait, et voilà, de le partager un petit peu avec nous. Enregistrement de cette magnifique lecture du magnifique article de la magnifique manif. Donc c'est le Dauphiné libéré du lundi 26 juillet 2021 qui voilà, relaye la version des flics de la manifestation d'hier. 1-2, 1-2. Ok. La caravane résistante a rejoint le refuge solidaire. Après avoir franchi la frontière franco-italienne, samedi, le campement du mouvement Passa Montagna a rallié Briançon dans l'après-midi, ce dimanche 25 juillet. Je ne les ai pas entendus de la nuit. Pourtant, le maire de Val-des-Prés n'habite pas bien loin du lieu où la caravane résistante avait décidé d'installer son campement ce samedi 24 juillet, en début de soirée. En fait, Thierry Aymard a davantage écouté les sirènes de gendarmerie et l'hélicoptère du détachement aérien de gendarmerie. Les militants No Border, après avoir franchi la frontière franco-italienne entre Clavière et Montgenèvre, se sont arrêtés à l'entrée de la vallée de la Clarée, non loin du camping des Alberts et du hameau du Rosier. Ce dimanche 25 juillet, ils ont levé le camp en début d'après-midi pour rejoindre Briançon. La ville, elle, était en alerte dès la matinée, avec des premiers déploiements de gendarmes mobiles et des CRS. L'hélicoptère de la gendarmerie a, quant à lui, fait des rotations entre la cité briançonnaise et Val-des-Prés. L'avenue de la Libération, où se situe la sous-préfecture et le commissariat, dans lequel une cellule de crise a été installée, en présence notamment du maire Arnaud Mourgia, a été interdite de circulation une bonne partie de la journée. Le cortège de 200 à 250 personnes est finalement arrivé par la route d'Italie et le Champ de Mars, vers 16h30. Sous le regard interloqué des touristes attablés en terrasse. Les militants, visage dissimulé pour certains, habillés de noir pour d'autres, ont annoncé au badaud que cette marche visait la frontière, souhaitant sensibiliser au sort des personnes migrantes. Et ont crié « Pas de photos !» à ceux qui sortaient leur portable. Les manifestants étaient suivis de près par les forces de l'ordre. L'objectif était de diriger les activistes en dehors du centre-ville. Celui des no-borders, de rejoindre le refuge solidaire, le lieu d'hébergement d'urgence pour les personnes exilées rue Pasteur. La manifestation a donc fait un détour par la zone commerciale de Grande Boucle. Gendarmes et policiers veillent sur les stations-service, les magasins, les fast-foods. Ça marche ? Face au « tout le monde déteste la police », ils ont redirigé le groupe manifestant sur l'avenue de Provence, alors qu'ils comptent traverser la ZAC des quartiers du 15-9. Avec quelques tirs de gaz lacrymogène. Quelques pierres auraient été rendues en retour. La rue centrale et l'avenue Maurice Petsch ont, elles, été barrées, occupées par des CRS. et la caravane résistante conduite à la gare SNCF, puis le refuge solidaire où des vivas ont résonné peu avant 18h30. Avant une prochaine étape, Gap et une manifestation annoncée pour ce mardi 27 juillet. Sans que l'on ne sache, à l'heure de boucler notre journal, si les militants s'y rendaient dans la soirée ou campaient à Briançon. Alors le Daubé nous rajoute une petite astérisque en nous disant « Nous avons essayé de joindre la préfecture des Hautes-Alpes ce week-end sans succès. Hormis lors d'un tweet ce samedi 24 juillet, appelant à éviter la RN94 dans le secteur de Montgenèvre, celle-ci ne s'est pas exprimée. Nous avons également un petit topo du maire de Briançon, Arnaud Mordjac, qu'on va aussi vous répéter. Non, peut-être pas, hein, parce que vraiment, il est hardcore. Il est vraiment hardcore. Il est vraiment content que sa ville n'ait pas été dégradée par les snowboarders. Vous êtes toujours sur la bande passante, 96.00 FM. Ah, j'entends des vivas, comme dirait le Daubé. J'en profite pour dire merci à toute l'équipe de chez Roger pour l'accueil. Merci beaucoup, merci mille fois. Ah oui, au passage, on rappelle que vous êtes bien sur la bande passante. C'est 96.0. Voilà, sur 96.0, la bande passante. Voilà. Elle est un petit peu de public ennemi, he got game. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering, with crisis and all this crisis, hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers links with fear. Beware, two triple A. Nous avons comme information qu'à 15h, une discussion sur l'auto-organisation pour par les personnes exilées va s'amorcer. Le lieu est à définir. Également à 15h, la discussion femmes et frontières. On vous propose de vous retrouver à 15h30 pardon, dans la salle de concert pour décider un petit peu de comment ça va se passer. Oui, vous pouvez trouver du matos pour faire vos sacs médics et prendre des trucs de base. Sur vous, pour la manif de demain, le matériel est situé dans le bâtiment à l'entrée à droite. Voilà, il y a un panneau, n'hésitez pas à passer en prendre. C'est quoi la suite des informations? Vous avez d'autres points infos à passer? 1, 2, 1, 2. La sérigraphie, ce sera cet après-midi, pour si vous voulez un logo dans la pièce fraîche à côté, là, dans la salle de concert. So at 3:30 will happen two discussions. One about self-organization around borders, which will be outside under the things that make shadow. The I tent. Don't know the name. Tent. The open tent. And we'll have an also at 3:30 a discussion about women on the move. In the concert place of yesterday. Bonjour. Alors un petit mot pour prévenir qu'il y a aussi une cagnotte ouverte pour les chanteurs d'hier soir pour le groupe Briançonnais. Voilà, pour la trappe gambienne. Merci. Elle est où cette cagnotte? Ah, la cagnotte, elle est là où on dit, enfin au niveau du self de la cantine. Ouais. Merci. Du coup, la radio, elle est installée au rez-de-chaussée, là, à l'entrée, vous tournez à droite, là où il y a une structure métallique, à côté du matos médic. Et aussi, comme on a crié nos photos aussi pendant quelques jours, là, mais qu'on a fait quand même des belles choses, si des gens ils ont envie de venir raconter un peu les journées précédentes, pour qu'on garde le souvenir de ça aussi, qu'on se raconte ces histoires. We record the thing, but if you don't want to be recorded, you can tell, and we just shut the thing off. Mon oreillette me dit de dire que les discussions vont bientôt commencer. Donc voilà, c'était ce morceau qu'on voulait vous passer depuis longtemps, qu'on a réussi à le faire. Désolé, on a augmenté le son en plein milieu, ça a dû vous casser les oreilles. Ça a cassé les miennes aussi. C'était un petit crac-crac. C'est beau, c'est comme ça qu'on fait le direct live. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous êtes bien sur la radio, bande passante, 96.00 FM. Alors, on va commencer par une petite annonce. On nous informe qu'il y a une voiture qui bloque l'entrée de chez Roger. Elle est vraiment devant le portail, côté extérieur, une voiture grise. Il faudrait la déplacer, s'il vous plaît. In English, please move the gray car that is blocking the entrance in front of the main entrance. Thank you. Ok, et du coup, nous avons avec nous des personnes de la coordination sud-est du Voyage pour la vie qui va nous présenter un petit peu qui elles sont. Alors, je vous laisse la parole. Mais il y avait ça s'est organisé de manière coordonnée, c'est-à-dire que les différents pays d'Europe ont répondu déjà à cette invasion en disant qu'ils étaient d'accord. Et nous sommes organisés de manière à coopérer pour leur venue. Alors, au niveau européen, ça a été assez, pas difficile, mais enfin, compte tenu quand même du projet, de son ampleur, des géographies diverses qui vont être visitées, il est sûr que c'était pas une organisation facile. Je peux plus facilement parler de la coordination régionale et locale, puisque dans chaque pays, on s'organise de manière régionale, principalement. Il y a 6 régions en France, et celle du sud-est, a organisé et a envoyé une invitation aux apatistes. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous sommes présents à cette rencontre et à ce passe Montagna, parce qu'en fait, c'était la première partie du projet dans la région sud-est, où normalement les apatistes devaient être présents. Malheureusement, ils ont des difficultés pour venir jusqu'à nous. D'abord, des obstacles mis par le gouvernement mexicain, qui leur refuse à certains des passeports. Et en Europe, et en particulier en France, un refus pour l'instant de les accueillir sous prétexte que leur vaccination n'est pas conforme à celle désirée en France. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire qui, espérons, va changer. Et donc ce projet du Passamontagna fait partie d'un projet plus vaste régional, car on invite aussi les gens dans le bassin Fort-Calquier, dans le Var, à Marseille, et donc nous sommes dans l'attente en fait de leur arrivée pour mettre au point et concrétiser tous les projets qu'on avait en cours. Voilà, ça c'est pour ici. Parce que peut-être la question se pose de justement là maintenant qu'il y a l'escadron 4-2-1, et donc cette personne qui ont fait la traversée de l'océan et qui ont arrivé comme il disait au début Gaël, qui ont atterri déjà et qui ont passé du coup par Barcelone, donc on va dire cet escadron 402-1, 4 parce que c'est 4 femmes, 2 hommes et une personne transgenre, donc en fait c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'escadron 4-2-1, et qui ont fait pour l'instant, donc ils sont passés par Barcelone avec une apparition on va dire plus publique, bon à l'arrivée aussi au port de Vigo, ensuite à Barcelone, ensuite à Toulouse, ensuite à Paris à la Parole Errante. Le programme, il commence, une date importante, c'est le 13 août à Madrid, en fait, date de l'invasion, de la contre-invasion, appelons-la comme on la veut. Et donc tout le monde et dont les apatistes, le 13 août à Madrid, qui sera un premier grand moment et qui est aussi au cœur du début de ce voyage en Europe et aussi, par ailleurs, après, dans d'autres géographies du monde. Donc, du côté mexicain, au Chiapas, il y a un site internet qui est traduit en plusieurs langues, qui s'appelle enlaszapatista.ezln, comme l'armée zapatiste, .org.mx, comme Mexique. du côté de la de l'Europe, donc de la francophonie en tout cas, il y a zapatista2021.lebib.org. Et j'ai parlé de l'appel aux artistes pour les compiles de musique à nous envoyer. Donc c'est Musica por la vida, mais por c'est un X parce que c'est comme ça qu'on écrit por en espagnol. .wixsite.com/gira2021. Et tout ça, je vais l'écrire et sur un papier et qui sera affiché dans le sas d'accueil du grand bâtiment. Merci. Juste, je voulais dire un peu ça. Peut-être, comme tu disais, que ça, s'il y a une chose, peut-être, c'est que ça est venu quand même mettre la pêche. Je pense sur plein d'aspects cette histoire, et avec toutes les difficultés, mais aussi, je pense qu'ils nous ont bien aussi, elles, en arrivant, elles nous ont bien fait voir que quand même, quand on veut, on peut. Voilà. Donc, à la patata. Chegua negra, warrior, queen del barrio, vos sabés. La combination me cepa y por eso voy a agitarla otra vez. Dice que me gusta darle al bajo y al bombo. Dice que me gusta hacer quilombo. Dice que la tengo, dice que la pongo. Dice que me quedo re loca, me pongo. Dice que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dice que me gusta darle al bajo y al bombo. Dice que la tengo y que la pongo. Que dan las pipas meneando mondo. Bande passante FM 9600. Au mois d'août, il y a un appel pour un passa montagna dans les Pyrénées, vers un monde sans frontières. Donc je lis une partie du track là que j'ai trouvé. Je vous fais part. Donc la passa montagna, ça sera dimanche 15 août du côté de Bielsa. Nous faisons partie de différents groupes de personnes qui s'organisent de part et d'autre de la frontière entre la France et l'État espagnol autour de l'arrivée en Europe de la délégation de zapatistes, de membres du Conseil national indigène, du Fonds des peuples en défense de la terre et de l'eau de Morelos, dans le cadre du voyage pour la vie. Elles seront composées en majorité de femmes. Cette différente délégation entame un voyage aux quatre coins de l'Europe pour y rencontrer nos luttes, partager les leurs. C'est aussi l'occasion de renforcer et d'unir les nôtres. Le thème de la frontière et de la liberté de circulation d'un pays à l'autre nous semble essentiel. Les montagnes des Pyrénées ont toujours été un lieu de vie, de passage, de migration, et ce depuis la préhistoire. Les Cathares, plus tard, en 1992, les Juifs chassés d'Espagne, les brigades internationales en 1936, suivies de la retirada des républicaines espagnoles. Depuis, ce sont des Espagnols, des Portugaises, des Marocains, des Sahéliennes, des Sahraouis, des personnes du continent africain qui passent cette frontière pour fuir la misère, les régimes autoritaires, les guerres et trouver refuge en Europe ou simplement pour qu'ils et elles, parce qu'ils et elles ont choisi de vivre ailleurs. À l'occasion de la visite de la délégation zapatiste, nous préparons une marche à la frontière franco-espagnole afin que de multiples voix et couleurs résonnent par-delà les frontières politiques et pour que de nombreuses personnes nous fassions entendre notre détermination à supprimer ces mêmes frontières. Nous convergerons vers le col de Bielsa, où se trouve la ligne de frontière, avec aussi la volonté de relier deux lieux de mémoire, la Bolsa de Bielsa en Aragon et le camp du Vernet en Ariège, qui a été un camp d'internement, notamment des gens qui quittaient l'Espagne pendant la guerre en 36. Rendez-vous le dimanche 15 août à 9h au parking devant le tunnel de Bielsa Aragonais, côté Aragonouette. Cette marche sera suivie en Ariège d'un événement à Payès du 19 au 24 août, où il y aura des temps prévus pour discuter plus en profondeur du thème de la liberté de circulation, de la retirada des exilés sous la forme de table ronde. Nous faisons appel dès aujourd'hui aux collectifs, associations, réseaux militants et toutes et chacune à nous rejoindre et à marcher contre ces frontières administratives et à lutter pour un accueil inconditionnel des exilés. Un bon début d'interview. Vous êtes sur Radio Bande Passante 96.0 en direct de Gap. Merci Robert, merci Marcel, merci et merci Roger surtout. Et voilà, on a quelqu'un avec nous qui a envie de nous parler de Bure, du mois d'août et des rayons. Et pourquoi j'ai un bip bip bip bip ? C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, si tu as envie de nous présenter ce camp qui s'appelle Les Rayonnantes, je crois, qui va se passer bientôt. Ouais, carrément. Alors, Les Rayonnantes, du coup, c'est un camp anti-nucléaire qui va se passer du 16 au 26 août près de Bure. Les informations sur le lieu seront diffusées en temps et en heure sur le site internet. Site internet qui est rayonnante avec un S.org. Alors pourquoi un camp ? Un camp parce que récemment, donc c'est un camp spécifiquement contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo. Et en fait cette année c'est une année un peu cruciale parce que il y a une demande d'utilité publique qui a été déposée et si elle est acceptée, il y a des travaux qui pourront commencer, des travaux préalables au projet d'enfouissement qui pourront commencer. Et donc là, l'idée, c'est de montrer que la résistance est toujours là, qu'elle est forte, festive, joyeuse et organisée, quoi. Et du coup, pendant le camp, il y aura des ateliers, des concerts divers et variés. Tout le monde est appelé à venir et également des rassemblements et des déambulations. En petit teasing pour les ateliers, on va par exemple recevoir le collectif Stop EDF Mexique qui lutte contre les gros projets d'éoliennes industrielles au Mexique qui sont portés par EDF. On va aussi avoir des ateliers sur la blanchité dans nos milieux militants. Pour questionner un petit peu ça et voir comment remettre en cause et en question, enfin pourquoi c'est un problème et en quoi on peut lutter contre ça. Il va y avoir évidemment bien sûr plein d'ateliers sur le nucléaire et l'antinucléaire et également pas mal de trucs, que ce soit des concerts ou des ateliers en mixité choisie queer. C'est une dimension de la lutte antinucléaire qui est assez présente en ce moment à Bure. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir des infos, à aller sur rayonnante.org, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que Instagram c'est rayonnante2021 et Twitter c'est nantes-rayon. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas à remplir. Il y a un formulaire de presque inscription. Vous pouvez remplir de manière totalement anonyme, mais c'est juste pour avoir une idée des jauges et savoir comment s'adapter à la cantine. Parce que c'est un campement, c'est comment un peu logistiquement peut-être pour que les gens se préparent à venir près de Bure. Ouais, merci de poser la question. L'idée c'est qu'effectivement c'est un campement. Donc l'idée c'est de venir avec sa tente et son duvet et son matelas de sol. Après si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, c'est possible de vous en prêter, mais encore faut-il qu'on le sache. N'hésitez pas à le dire. Et l'idée c'est que sur place, il y a cantine. Cantine et tout ce qu'il faut à prix libre. Donc l'idée, c'est que le prix soit pas un problème, que ça vous empêche pas de venir et que le camp sera en autogestion. Donc l'idée, c'est que chacun et chacune puisse participer un peu au fonctionnement du camp pour que ça roule, quoi. Tu veux nous rappeler les dates, le site internet et le lieu ? Carrément, c'est du 16 au 26 août, c'est près de Bure, le site c'est rayonnante.org et comment venir, parce que c'est vrai que la Meuse est un endroit reculé de France, comment venir, le mieux c'est d'essayer de venir par vos propres moyens, mais après il y a des systèmes de navettes qui vont être mis en place, donc tout ça de nouveau, ça sera renseigné sur le site et sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas, dès maintenant, si vous savez que vous aurez des problèmes de transport, à le signaler. Ça nourrit le fait que derrière, il y a une organisation qui se mette en place, quoi. Et est-ce qu'on peut profiter de ta présence pour avoir des nouvelles des derniers rassemblements qu'il y avait eu début juin, des procès ? Ouais, carrément. Alors récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un procès les 1, 2 et 3 juin donc à Bar-le-Duc. Ce procès, c'était le procès de 7 militants et militantes antinucléaires qui, pour certains, étaient accusés d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des délits passibles de 10 ans de prison. Et en gros, ça a été l'occasion d'une grosse mobilisation puisqu'il y a 800 personnes qui ont été là. Donc en semaine à Bar-le-Duc, c'est quand même assez notable. responsable. Donc mobilisation assez chouette, très festive, très très queer, enfin avec une manifestation dans Bar-le-Duc, beaucoup de prises de parole assez déconnantes avec un procès fictif de CIGEO, enfin des trucs plutôt chouettes, et le verdict sera rendu en septembre, je sais plus quelle date, le 21 je crois, 21 septembre. Et dans ces personnes accusées, il y a des gens qui étaient encore en détention, qui sont actuellement en détention provisoire? Non, non, non, personne n'est en détention. Personne n'est en détention. Je crois que personne ne l'a été. Il y avait des personnes qui étaient interdites de se voir et interdites de territoire. Mais c'est des choses qui ont quand même duré 2 ans et demi, donc il faut quand même le souligner, c'est assez lourd. C'est des choses qui s'étaient arrêtées, je crois, une dizaine de jours avant le procès. Ok. Et en août, il y a un pré-événement au vôtre aussi, non ? Ouais, alors il y a le Festival des Burlesques qui normalement était prévu du 6 au 9, 6, 7, 8, 9 ou 6 au 8, je ne sais plus, août, à Ménil-sur-Sault. Et en fait, l'événement, aux dernières nouvelles, a été annulé parce que en fait, les dernières annonces du gouvernement qui disent qu'en cas d'événement de plus de 50 personnes, il faille à tout prix montrer patte blanche, à savoir un pass sanitaire, ça... en gros les organisateurs, organisatrices se sont dit qu'ils n'avaient pas envie de contrôler les personnes qui viendraient et du coup ils ont préféré annuler, mais c'est possible que ça prenne une autre forme, donc ça c'est en discussion, peut-être une forme un truc déambulant dans les différentes villes autour, mais c'est encore en discussion. Les infos c'est sur un site, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Bur Festival quelque chose, ou Bur-Festival, enfin si vous tapez Burlesque ou Bur Festival vous trouvez ça sur n'importe quel moteur de recherche. La Meuse est pleine de surprises, quoi. Quoi ? La Meuse est pleine de surprises. Et complètement, c'est un territoire incroyable. Si vous n'êtes pas déjà venu, venez. Il fait, en plus, en été, alors c'est un peu qui tout double. Soit il fait super beau, soit il fait très moche. Mais ça n'en reste pas moins un territoire incroyable. Donc, faut pas hésiter à venir. Mais il fait chaud. Et il fait chaud. Et il fait chaud, ouais. Grave, effectivement. Ah, merci beaucoup. Et on va repasser plusieurs fois cette interview dans la soirée. Super, merci à vous. Merci.